Chapitre 306. L'interdiction de posséder un chien sauf pour la chasse, garder le bétail ou les cultures. 1688. Ibn Omar, radiallahu anhuma, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Celui qui possède un chien perd chaque jour l'équivalent de 2 qirat de récompense, 2 karas, excepté les chiens réservés à la chasse ou à la garde du bétail. » Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, l'équivalent d'un qirat de récompense. 1689. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque possède un chien voit chaque jour ses bonnes actions diminuer de l'équivalent d'un qirat, d'un kara, excepté les chiens réservés à la garde des cultures ou du bétail. » Al-Bukhari et Muslim. Selon une autre version de Muslim, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque possède un chien voit chaque jour ses bonnes actions diminuer de l'équivalent de 2 qirat, sauf s'il s'agit d'un chien de berger, d'un chien de garde ou d'un chien de chasse. »